Mickaël à la radio sur Fun Radio. Nous allons maintenant faire la déclaration express. Et nous avons qui pour la déclaration express? Bonjour Lydia. Lydia, bonjour Lydia. Bonjour. Comment vas-tu Lydia? Ça va très bien, merci, vous? Bah oui, ça va bien aussi Lydia. T'as quel âge et dans quelle ville? J'ai 25 ans et je viens de Charleroi. De Charleroi, très bien, 103.5 pour écouter Fun Radio à Charleroi. Et Lydia, nous allons faire une petite déclaration express maintenant. Nous allons appeler qui pour la déclaration express? Ma petite sœur. Ah, ta petite sœur, tu as... Ah, c'est original, oui. Déclaration express, ta petite sœur, d'accord. Oui, nous sommes des incestueux, nous voudrions avoir une Bon, comment elle s'appelle ta... Je voudrais prendre ma revanche. D'accord, bon, déjà c'est occupé, donc on va rappeler. Ok, écoute, pas de problème, on va l'appeler, donc quand on l'a au téléphone, tu lui dis, bah salut, blablabla, je voulais un truc à te dire, et là nous on démarre, d'accord? D'accord. Bon, allez hop, déclaration express pour la petite sœur, maintenant c'est parti. Et c'est sûr, ouh, Tokyo Hotel. Tokyo Hotel. La chanson. La déclaration express. Ah oui, d'accord, ok. Est-ce que je peux sortir de studio? Non, ça va. Tu kiffes, arrête. Allô? Cynthia? Lydia? Oui, ça va? Ça va et toi? Ça va, dis. En fait, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Non, c'est pas une histoire de cœur, c'est plutôt une histoire de sœur qui aime l'alcool autant que les soirées. Il a mué, hein? Oui, apparemment, oui. Petit rappel à ton réveil, t'es pas au pays des merveilles, t'as dû encore trop picoler hier soir. Allez, va te laver, te décrasser, lave bien tes dents car tu pues le rosé. Pas comme avant, avec tes jeans plein de trous, quand dans tes cheveux il y avait des poux. T'étais grunge et maintenant tu as changé. Tu sors pas avec un ongle cassé ou quand t'es réglé. Oh, rock and roll, come on. Bon. Eh ben voilà, c'était la petite déclaration express. Qu'est-ce que tu en as pensé de ta petite déclaration express de ta grande sœur? Ah ben j'aurais préféré d'un mec. Ah, oui. Ça je ne sais pas. Ah oui oui, bah ça c'est sûr. Hein. Alors t'en as pensé quoi de cette petite déclaration express? Ben ça va, j'ai aimé, mais elle a repris sa vengeance. Oui, bon c'est vraiment une grande vengeance, hein, c'est qu'elle avait déjà fait une déclaration express à l'époque pour inversement en fait entre sœurs tout simplement. Bon, eh ben voilà, petite déclaration express qui fait plaisir avec Tokyo Hotel et Bill qui a mué, donc ça fait plaisir et ça rend service à tout le monde aussi. Il devient vieux maintenant. Ah ouais, il devient vieux, ouais. Bon ben gros bisous à vous les filles, à bientôt à Charleroi. Merci, au revoir. Salut et à très bientôt avec Club d'ailleurs à Charleroi. Mickaël à la radio, tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Plus donc excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. L'interview exclusive. Oh là, tu annonces la chose. Ah bah oui, bien sûr. De Dominique Strauss-Kahn, il était hier sur TF1, il est ce matin sur Fun Radio. L'interview exclusive de Dominique Strauss-Kahn depuis son retour des États-Unis d'Amérique. Comme on dit. Allez, c'est parti. Bonjour Dominique et merci d'avoir choisi Fun Radio après TF1. J'ai choisi de venir parce que c'était peut-être le plus symbolique. Ah, c'est vraiment très gentil de votre part. Il y avait toutes les raisons de le faire. Bah, vous dites ça parce qu'on est le meilleur morning? Je n'en dirai pas plus. Je l'avais déjà dit. Je dis exactement la même chose. Non, je comprends, c'est déjà énorme que vous pensiez ça de nous, mais pour en revenir à l'affaire Nafissatou Diallo... Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça est derrière moi, vous avez l'impression qu'elle peut vous broyer. Attendez, vous voulez dire que c'était un homme? Et je n'en suis pas fier. Non, mais attendez, pourquoi elle, enfin il, vous aurait fait un procès? Vous l'avez pas payé? Je l'ai payé lourdement, soit trop peu, soit trop tard, soit trop peu et trop tard. Et alors, il paraît que vous connaissez Julie qui travaille avec nous. Absolument, il y a 10 ans que ça dure, même un peu plus que 10 ans. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était justement en 98, donc il y a 12 ans que ça dure. Et elle vous aurait soutenu pendant cette dure épreuve? Pendant toute cette période, elle a été très présente. Et j'ai été sensible à cette présence. C'est une femme exceptionnelle. Oui, et vous pensez qu'il peut se passer quelque chose entre vous et Julie? Il faut répondre, mais c'est plus à elle d'y répondre. Alors, je lui demanderai pour vous, et puis on verra ce qu'elle dira. On verra. En tout cas, merci Dominique d'être venu ce matin pour cette interview exclusive et pleine de révélations. Merci. Eh ben, ça a été du travail de la voir, hein, je vous le dis, moi. Ah oui, non, mais... Dominique Strauss-Kahn, interview exclusive sur Fun Radio ce matin. Uniquement sur TF1 et sur Fun Radio. Exactement. C'est quelque chose. Uniquement sur TF1 et sur Fun Radio, et ça, ça fait plaisir. Mais maintenant, c'est la vérité de la chambre 2806. Voilà. Exactement, exactement. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Pour un monde sans relou. Mais oui, bien sûr, pour un monde sans relou, le rêve de toute personne dans ce plat pays. Un monde sans relou, et Dieu sait que comme tous les rêves, il n'arrive pas. Bah oui, et c'est ça le problème, effectivement. T'es tombé sur un relou ce week-end à un moment ou à un autre, Julie, ou pas? Ah non, non, non. Pas de relou? Non, pas de relou, non. Ok, très bien, Toff. Bon, lui-même alors, est un relou, moi, donc forcément... J'ai vécu une soirée mémorable avec l'abbé qui, je pense, à un moment, va bien finir par recevoir le numéro de la ligne entière. Ah oui, ok. Ah d'accord, okay. Il était très chaud. Oui, quoi. Parce que l'abbé donc et Toff sont sortis dans la soirée avec Evan. Voilà, on est sortis donc à la soirée au Majestic. Et en fait non, c'est pas l'abbé le vrai problème, c'est son ami qui l'avait ramené. D'accord. Ah. Donc l'abbé qui fait la libre antenne le soir avec Vince, pour ceux qui situent pas. Il était venu avec un ami canadien, et le canadien est très très relou. Le canadien. Très relou. Mais oui, mais il a son petit accent, tu vois, alors qu'il arrive comme ça. Il n'avait pas d'accent. Non, il n'avait pas d'accent. Ah, il n'avait pas d'accent. Mais par contre, il était bien relou. Ah, il est bien. Ah, bah d'accord, ok, très bien. Ah, bah écoute. Il était au summum du relou. Bon, bah c'est dommage. Un jour, on aura peut-être l'abbé dans la ligne anti-relou, on va savoir. Ah, peut-être. Ouais. Bon, 6h47, on va écouter maintenant le premier message de cette ligne anti-relou sur Fun Radio. Oui, je sais pas quoi dire, quoi. Bah c'est intéressant, hein. ça vaut vachement la peine là quand même. Oui, c'est gentil d'être passé. Oui, c'est gentil d'être passé. Ouais. 0473 86 0013, deuxième message. Salut Robert, ben écoute, je voulais juste que tu poses une petite voix sur la photo de profil que tu viens de voir. Et à de suite. Ah oui, c'est dans les meilleurs moments de la ligne anti-relou, ça, avec bonjour Robert. Ouais. Je voulais que tu poses une petite voix sur la photo que tu as vue. Mmh. Et quelle petite voix. Magnifique, ça envie, extraordinaire. Ça très envie. Et enfin, le troisième message laissé sur la ligne anti-relou. Bonjour Vanessa, c'est Nicolas. J'ai vu ton annonce sur Internet et je voulais te proposer de vivre ensemble, de s'amuser, de faire la fête et autre chose. Voilà, rappelle-moi, au revoir. Oh, la fête va. Et autre chose. Oui. Il essaye de dire les choses un petit peu gentiment pour dire autre chose, ça m'arrangerait quand même. Je crois qu'il n'ose pas dire les choses, justement. Non. C'est bien ça le problème. Non, non. C'est bien son problème d'ailleurs, effectivement. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0473 86 0013. Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es appelé la mère de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Bon, on va prendre Sébastien Loeb aussi maintenant pour un petit réveil à Belgique, s'il est là du moins. Allô, Loeb. Oui. Ah, Sébastien Loeb qu'on retrouvera tout à l'heure dans la déclaration express. Oui, on t'entend, Sébastien Loeb. Bon, alors, Loeb, petit réveil à Belgique, tu es donc habillé en lapin? Non, là, je suis pas habillé en lapin. Je suis dans ma voiture, en fait, dans la circulation. Il y a beaucoup de monde, il y a des gens qui prennent le bus, il y a des gens qui prennent le tram. Et alors, on va un petit peu réveiller tout le monde et on va un petit peu crier pour que les gens puissent, dans leur voiture, mettre Fun Radio. Voilà. Déjà, si vous êtes en train d'écouter Fun Radio, n'hésitez pas à klaxonner quand vous entendrez un mec complètement abruti derrière vous en train d'hurler comme un dingue. Ce sera Sébastien Loeb. Alors, je vais poser le téléphone cette fois pour ne pas avoir la même blague que la fois passée. Quand j'ai gueulé l'autre jour. Exactement, donc, vas-y. Ça, voilà. Donc, c'est parti à 3, c'est parti. C'est parce qu'il donne pas la fréquence. Ah. Comment ça se fait qu'il tombe toujours sur les queues? T'es plus fort, qu'ils t'entendent bien. Mesdames et messieurs, on se rendra au cirque. Oui. Eh oui, toujours gagnant, jamais perdant. Venez jouer avec nous. Moi, qui m'en ferait en fait. Ouais, bah, je pense aussi. Bah, donc, c'était le but. Je vais revenir jusque